chapitre 3. Mais au bout de quelques pas, le bidet, naturellement peu taillé pour la course, se ralentit. L'humeur irascible de Bénédicte se calma et fit place à la honte et au remords, et M. Léry s'endormit profondément. Il suivait un de ces petits chemins verts qu'on appelle, en langage villageois, traîne, chemin si étroit que l'étroite voiture touchait de chaque côté les branches des arbres qui le bordaient, et qu'Athénaïs put se cueillir un gros bouquet d'aubépines en passant son bras, couvert d'un gant blanc, par la lucarne latérale de la carriole. Rien ne saurait exprimer la fraîcheur et la grâce de ces petites allées sinueuses qui s'en vont serpentant capricieusement sous leur perpétuel berceau de feuillage, découvrant à chaque détour une nouvelle profondeur, toujours plus mystérieuse et plus verte. Quand le soleil du midi embrase jusqu'à la tige l'herbe profonde et serrée des prairies, quand les insectes bruissent avec force et que la caille glousse avec amour dans les sillons, la fraîcheur et le silence semblent se réfugier dans les traînes. Vous y pouvez marcher une heure sans entendre d'autre bruit que le vol d'un merle effarouché à votre approche, ou le saut d'une petite grenouille verte et brillante comme une émeraude qui dormait dans son hamac de joncs entrelacés. Ce fossé lui-même renferme tout un monde d'habitants, toute une forêt de végétation. Son eau limpide court sans bruit en s'épurant sur la glaise et caresse mollement des bordures de cresson, de baume et d'hépatique. Les fontinales, les longues herbes appelées rubans d'eau, les mousses aquatiques pendantes et chevelues, tremblent incessamment dans ces petits remous silencieux. La bergeronnette jaune y trotte sur le sable d'un air à la fois espiègle et peureux. La clématite et le chèvrefeuille, l'ombrage de berceau où le rossignol cache son nid. Au printemps, ce ne sont que fleurs et parfums. À l'automne, les prunelles violettes couvrent ces rameaux qui, en avril, blanchirent les premiers. La senelle rouge, dont les grives sont friandes, remplace la fleur d'aubépine et les ronces, toutes chargées des flocons de laine qui ont laissé les brebis en passant, s'empourprent de petites mûres sauvages d'une agréable saveur. Bénédicte, laissant flotter les guides du paisible coursier, tomba dans une rêverie profonde. Ce jeune homme était d'un caractère étrange. Ceux qui l'entouraient, faute de pouvoir le comparer à un autre de même trempe, le considéraient comme absolument hors de la ligne commune. La plupart le méprisaient, comme un être incapable d'exécuter rien d'utile et de solide. Et s'ils ne lui témoignaient pas le peu de cas qu'ils faisaient de lui, c'est qu'ils étaient forcés de lui accorder une véritable bravoure physique et une grande fermeté de ressentiment. En revanche, la famille Léry, simple et bienveillante qu'elle était, n'hésitait pas à l'élever au premier rang pour l'esprit et le savoir. Aveugle pour ses défauts, ces braves gens ne voyaient dans leur neveu qu'un jeune homme trop riche d'imagination et de connaissances pour goûter le repos de l'esprit. Cependant, Bénédicte, à 22 ans, n'avait point acquis ce qu'on appelle une instruction positive. À Paris, tour à tour possédé de l'amour des arts et des sciences, il ne s'était enrichi d'aucune spécialité. Il avait travaillé beaucoup, mais il s'était arrêté lorsque la pratique devenait nécessaire. Il avait senti le dégoût au moment où les autres recueillent le fruit de leur peine. Pour lui, l'amour de l'étude finissait là où la nécessité du métier commençait. les trésors de l'art et de la science une fois conquis, il ne s'était plus senti la constance égoïste d'en faire l'application à ses propres intérêts. Et, comme il ne savait pas être utile à lui-même, chacun disait en le voyant inoccupé « Mais à quoi est-il bon ?» De tout temps, sa cousine lui avait été destinée en mariage. C'était la meilleure réponse qu'on pût faire aux envieux qui accusaient les Léry d'avoir laissé corrompre leur cœur autant que leur esprit par les richesses. Il est bien vrai que leur bon sens, ce bon sens des paysans, ordinairement si sûr et si droit, avait reçu une rude atteinte au sein de la prospérité. Ils avaient cessé d'estimer les vertus simples et modestes. Et, après de vains efforts pour les détruire en eux-mêmes, ils avaient tout fait pour en étouffer le germe chez leurs enfants. Mais ils n'avaient pas cessé de les chérir presque également. Et en travaillant à leur perte, ils avaient cru travailler à leur bonheur. Cette éducation avait assez bien fructifié pour le malheur de l'un et de l'autre. Athénaïs, comme une cire molle et flexible, avait pris dans un pensionnat d'Orléans tous les défauts des jeunes provinciales. La vanité, l'ambition, l'envie, la petitesse. Cependant, la bonté du cœur était en elle, comme un héritage sacré transmis par sa mère, et les influences du dehors n'avaient pu l'étouffer. Il y avait donc beaucoup à espérer pour elle, des leçons de l'expérience et de l'avenir. Le mal était plus grand chez Bénédicte. Au lieu d'engourdir les sentiments généreux, l'éducation les avait développés outre mesure et les avait changés en irritation douloureuse et fébrile. Ce caractère ardent, cette âme impressionnable, aurais-tu besoin d'un ordre d'idées calmante, de principes répressifs? Peut-être même que le travail des champs, la fatigue du corps, eussent avantageusement employé l'excès de force qui fermentait dans cette organisation énergique. Les lumières de la civilisation, qui ont développé tant de qualités précieuses, en ont vicié peut-être autant. C'est un malheur des générations, placées entre celles qui ne savent rien et celles qui sauront assez. Elles savent trop. Léry et sa femme ne pouvaient comprendre le malheur de cette situation. Ils se refusaient à le pressentir et, n'imaginant pas d'autre félicité que celle qu'ils pouvaient dispenser, ils se vantaient naïvement d'avoir la puissance consolatrice des ennuis de Bénédicte. C'était, selon eux, une bonne ferme, une jolie fermière et une dot de 200 000 francs comptant pour entrer en ménage. Mais Bénédicte était insensible à ces flatteries de leur affection. L'argent excitait en lui ce mépris profond, enthousiaste exagération d'une jeunesse souvent trop prompte à changer de principe et à plier un genou converti devant le Dieu de l'univers. Bénédicte se sentait dévorée d'une ambition secrète. Mais ce n'était pas celle-là. C'était celle de son âge, celle des choses qui flattent l'amour-propre d'une manière plus noble. Le but particulier de cette attente vague et pénible, il l'ignorait encore. Il avait cru, deux ou trois fois, la reconnaître aux vives fantaisies qui s'étaient emparées de son imagination. Ses fantaisies s'étaient évanouies, sans lui avoir apporté de jouissance durable. Maintenant, il la sentait toujours comme un mal ennemi renfermé dans son sein, et jamais elle ne l'avait torturé si cruellement qu'alors qu'il savait moins à quoi la faire servir. L'ennui, ce mal horrible qui s'est attaché à la génération présente plus qu'à toute autre époque de l'histoire sociale, avait envahi la destinée de Bénédicte dans sa fleur. Il s'étendait comme un nuage noir sur tout son avenir. Il avait déjà flétri la plus précieuse faculté de son âge, l'espérance. À Paris, la solitude l'avait rebutée. Toute préférable à la société qu'elle lui semblait, Il l'avait trouvée, au fond de sa petite chambre d'étudiant, trop solennelle, trop dangereuse, pour des facultés aussi actives que l'étaient les siennes. Sa santé en avait souffert, et ses bons parents effrayés l'avaient rappelée auprès d'eux. Il y était depuis un mois, et déjà son teint avait repris le ton vigoureux de la santé, mais son cœur était plus agité que jamais. La poésie des chants, à laquelle il était si sensible, portait jusqu'au délire l'ardeur de ses besoins ignorés qui le rongeaient. Sa vie de famille, si bienfaisante et si douce dans les premiers jours, chaque fois qu'il venait en faire l'essai, lui était devenue déjà plus fastidieuse que de coutume. Il ne se sentait aucun goût pour Athénaïs. Elle était trop au-dessous des chimères de sa pensée, et l'idée de se fixer au sein de ses habitudes extravagantes ou triviales, dont sa famille offrait le contraste et l'assemblage, lui était odieuse. Son cœur s'ouvrait bien à la tendresse et à la reconnaissance, mais ses sentiments étaient pour lui la source de combats et de remords perpétuels. Il ne pouvait se défendre d'une ironie intérieure, implacable et cruelle, à la vue de toutes ces petitesses qui l'entouraient, de ce mélange de parcimonie et de prodigalité qui rendent si ridicules les mœurs des parvenus. Monsieur et Madame Léry, à la fois paternels et despotiques, donnaient le dimanche d'excellents vins à leurs laboureurs. Dans la semaine, ils leur reprochaient le filet de vinaigre qu'ils mettaient dans leur eau. Ils accordaient avec empressement à leur fille un superbe piano, une toilette en bois de citronnier, des livres richement reliés. Ils la grondaient pour un fagot de trop qu'elle faisait jeter dans l'âtre. Chez eux, ils se faisaient petits et pauvres pour inspirer à leurs serviteurs le zèle et l'économie. Au dehors, ils s'enflaient avec orgueil et eussent regardé comme une insulte le moindre doute sur leur opulence. Eux, si bons, si charitables, si faciles à gagner, ils avaient réussi, à force de sottises, à se faire détester de tous leurs voisins, encore plus sots et plus vains qu'eux. Voilà les défauts que Bénédicte ne pouvait endurer. La jeunesse est âpre et intolérante pour la vieillesse, bien plus que celle-ci ne l'est envers elle. Cependant, au milieu de son découragement, des mouvements vagues et confus étaient venus jeter quelques éclairs d'espoir sur sa vie. Louise, Madame ou Mademoiselle Louise, on l'appelait également de ses deux noms, était venue s'installer à Grangeneuve depuis environ 3 semaines. D'abord, la différence de leurs âges avait rendu cette liaison calme et imprévoyante. Quelques préventions de Bénédicte, défavorables à Louise qu'il voyait pour la première fois depuis 12 ans, s'étaient effacées dans le charme pur et attachant de son commerce. Leur goût, leur instruction, leur sympathie les avaient rapidement rapprochés, et Louise, à la faveur de son âge, de ses malheurs et de ses vertus, avait pris un ascendant complet sur l'esprit de son jeune ami. Mais les douceurs de cette intimité furent de courte durée. Bénédicte, toujours prompte à dépasser le but, toujours avide de diviniser ses admirations et d'empoisonner ses joies par leur excès, s'imagina qu'il était amoureux de Louise, qu'elle était la femme selon son cœur et qu'il ne pourrait plus vivre là où elle ne serait pas. Ce fut l'erreur d'un jour. La froideur avec laquelle Louise accueillit ses aveux timides lui inspira plus de dépit que de douleur. Dans son ressentiment, il l'accusa intérieurement d'orgueil et de sécheresse. Puis il se sentit désarmé par le souvenir des malheurs de Louise et s'avoua qu'elle était digne de respect autant que de pitié. 2 ou 3 fois encore, il sentit se ranimer auprès d'elle ces impétueuses aspirations d'une âme trop passionnée pour l'amitié. Mais Louise sut le calmer. Elle n'y employa point la raison, qui s'égare en transigeant. Son expérience lui apprit à se méfier de la compassion. Elle ne lui en témoigna aucune. Et quoique la dureté fût loin de son âme, elle la fit servir à la guérison de ce jeune homme. L'émotion que Bénédicte avait témoignée le matin, durant leur entretien, avait été comme sa dernière tentative de révolte. Maintenant, il se repentait de sa folie. Et, enfoncé dans ses réflexions, il sentait à son inquiétude toujours croissante que le moment n'était pas venu pour lui d'aimer exclusivement quelque chose ou quelqu'un. Madame Léry rompit le silence par une remarque frivole. « Tu vas attacher tes gants avec ces fleurs, » dit-elle à sa fille. « Rappelle-toi donc que madame disait l'autre jour devant toi. On reconnaît toujours une personne du commun en province à ses pieds et à ses mains. » Elle ne faisait pas attention, la chère dame, que nous pouvions prendre cela pour nous, au moins. Je crois bien, au contraire, qu'elle le disait exprès pour nous. Ma pauvre maman, tu connais bien peu madame de Rimbaud, si tu penses qu'elle regretterait de nous avoir fait un affront. Un affront ? Reprit madame Léry avec aigreur. Elle aurait voulu nous faire affront ? Je voudrais bien voir cela. Ah, bien oui ! Est-ce que je souffrirais un affront de la part de qui que ce fût ? Il faudra pourtant bien nous attendre à essuyer plus d'une impertinence tant que nous serons ses fermiers. Fermiers, toujours fermiers, quand nous avons une propriété au moins aussi belle que celle de madame la comtesse. Mon papa, je ne vous laisserai pas tranquille que vous n'ayez envoyé promener cette vilaine ferme. Je m'y déplais, je ne m'y puis souffrir. Le père Léry hocha la tête. 1000 écus de profit tous les ans sont toujours bons à prendre, répondit-il. Il vaudrait mieux gagner 1000 écus de moins et recouvrer notre liberté, jouir de notre fortune, nous affranchir de l'espèce de domination que cette femme orgueilleuse et dure exerce sur nous. Bah, dit madame Léry, nous n'avons presque jamais affaire à elle. Depuis ce malheureux événement, elle ne vient plus dans le pays que tous les 5 ou 6 ans. Encore cette fois, elle n'y est venue que par l'occasion du mariage de sa demoiselle. Qui sait si ce n'est pas la dernière ? M'est avis que mademoiselle Valentine aura le château et la ferme en dot. Alors, nous aurions affaire à une si bonne maîtresse. Il est vrai que Valentine est une bonne enfant, dit Athénaïs, fière de pouvoir employer ce ton de familiarité en parlant d'une personne dont elle enviait le rang. Oh, celle-là n'est pas fière. Elle n'a pas oublié que nous avons joué ensemble étant petite. Et puis, elle a le bon sens de comprendre que la seule distinction, c'est l'argent, et que le nôtre est aussi honorable que le sien. Au moins, reprit madame Léry, car elle n'a eu que la peine de naître, au lieu que nous, nous l'avons gagnée à nos risques et peines. Mais enfin, il n'y a pas de reproche à lui faire. C'est une bonne demoiselle. Et une jolie fille, da. Tu ne l'as jamais vue, Bénédicte ? Jamais, ma tante. Et puis, je suis attachée à cette famille-là, moi, reprit madame Léry. Le père était si bon, c'était là un homme. Et beau, un général, ma foi, tout chamarré d'or et de croix, et qui me faisait danser aux fêtes patronales, tout comme si j'avais été une duchesse. Cela ne faisait pas trop plaisir à madame. Ni à moi non plus, objecta le père Léry avec naïveté. Ce père Léry, reprit la femme, il a toujours le mot pour rire. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'excepté madame, qui est un peu haute, c'est une famille de braves gens. Peut-on voir une meilleure femme que la grand-mère ? Ah, celle-là, dit Athénaïs, c'est encore la meilleure de toutes. Elle a toujours quelque chose d'agréable à vous dire. Elle ne vous appelle jamais que « mon cœur, ma toute belle, mon joli minois ». Et cela fait toujours plaisir, dit Bénédicte d'un air moqueur. Allons, allons, cela joint aux 1000 écus de profit sur la ferme qui peuvent bien payer bien des chiffons. Eh, ce n'est pas à dédaigner, n'est-ce pas, mon garçon ? Dit le père Léry. Dis-lui donc cela à toi, elle t'écoutera. Non, non, je n'écouterai rien, s'écria la jeune fille. Je ne vous laisserai pas tranquille que vous n'ayez laissé la ferme. Votre bail expire dans 6 mois. Il ne faut pas le renouveler. Entends-tu, mon papa ? Mais qu'est-ce que je ferai ? Dit le vieillard ébranlé par le ton à la fois patelin et impératif de sa fille. Il faudra donc que je me croise les bras. Je ne peux pas m'amuser comme toi, à lire et à chanter. Moi, l'ennui me tuera. Mais mon papa, n'avez-vous pas vos biens à faire valoir ? Tout cela marchait si bien de front, il ne me restera pas de quoi m'occuper. Et d'ailleurs, où demeurerons-nous ? Tu ne veux pas habiter avec les métayers ? Non, certes, vous ferez bâtir, nous aurons une maison à nous. Nous la ferons décorer autrement que cette vilaine ferme. Vous verrez comme je m'y entends. Oui, sans doute, tu t'entends fort bien à manger de l'argent, répondit le père. Athénaïs prit un air boudeur. Au reste, dit-elle d'un ton dépité, faites comme il vous plaira. Vous vous repentirez peut-être de ne pas m'avoir écouté. Mais il ne sera plus temps. Que voulez-vous dire ? Demanda Bénédicte. Je veux dire, reprit-elle, que quand Madame de Rimbaud saura quelle est la personne que nous avons reçue à la ferme et que nous logeons depuis 3 semaines, elle sera furieuse contre nous et nous congédiera dès la fin du bail avec toutes sortes de chicanes et de mauvais procédés. Ne vaudrait-il pas mieux avoir pour nous les honneurs de la guerre et nous retirer avant qu'on nous chasse ? Cette réflexion parut faire impression sur les Léry. Ils gardèrent le silence, et Bénédicte, à qui les discours d'Athénaïs déplaisaient de plus en plus, n'hésita pas à prendre en mauvaise part sa dernière objection. « Est-ce à dire, reprit-il, que vous faites un reproche à vos parents d'avoir accueilli Madame Louise ?» Athénaïs tressaillit, regarda Bénédicte avec surprise, le visage animé par la colère et le chagrin, puis elle pâlit et fondit en larmes. Bénédicte la comprit et lui prit la main. « Ah, c'est affreux ! » s'écria-t-elle d'une voix entrecoupée par les pleurs. « Interprétez ainsi mes paroles, moi qui aime Madame Louise comme ma sœur !»« Allons, allons, c'est un malentendu !» dit le père Léry. « Embrassez-vous et que tout soit dit !» Bénédicte embrassa sa cousine, dont les belles couleurs reparurent aussitôt. « Allons, enfant, essuie tes larmes !» dit Madame Léry. « Voici que nous arrivons. Ne va pas te montrer avec tes yeux rouges. Voilà déjà du monde qui te cherche. » En effet, le son des vielles et des cornemuses se faisait entendre, et plusieurs jeunes gens en embuscade sur la route attendaient l'arrivée des demoiselles pour les inviter à danser les premiers. Chapitre 4. C'étaient des garçons de la même classe que Bénédicte, sauf la supériorité de l'éducation qu'il avait sur eux et dont ils étaient plus portés à lui faire un reproche qu'un avantage. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas sans prétention à la main d'Athénaïs. « Bonne prise !» s'écria celui qui était monté sur un tertre pour découvrir l'arrivée des voitures. « C'est Mademoiselle Léry, la beauté de la Vallée Noire !» « Doucement, Simoneau, celle-là me revient. Je lui fais la cour depuis 1 an, par droit d'ancienneté, s'il vous plaît. » Celui qui parla ainsi était un grand et robuste garçon à l'œil noir, au teint cuivré, aux larges épaules. C'était le fils du plus riche marchand de bœufs du pays. « C'est fort bien, Pierre Bluty, dit le premier, mais son futur est avec elle. » « Comment ? Son futur ? » s'écrièrent tous les autres. « Sans doute, le cousin Bénédicte. »« Ah, le Bénédicte, l'avocat, le beau parleur, le savant. »« Oh, le père Léry lui donnera assez d'écus pour en faire quelque chose de bon. »« Il l'épouse ? » Il l'épouse. Oh, ce n'est pas fait. Les parents veulent, la fille veut. Ce serait bien le diable si le garçon ne voulait pas. Il ne faut pas souffrir cela, vous autres, s'écria Georges Moret. Eh bien oui, nous aurions là un joli voisin. Ce serait pour le coup qu'il se donnerait de grands airs, ce cracheur de grec. À lui, la plus belle fille et la plus belle dot? Non, que Dieu me confonde plutôt. La petite est coquette, le grand pâle, c'est ainsi qu'ils appelaient Bénédicte, n'est ni beau ni galant. C'est à nous d'empêcher cela. Allons, frère, le plus heureux de nous régalera les autres le jour de ses noces. Mais avant tout, il faut savoir à quoi nous en tenir sur les prétentions de Bénédicte. En parlant ainsi, Pierre Bluty s'avança vers le milieu du chemin, s'empara de la bride du cheval et, l'ayant forcé de s'arrêter, présenta son salut et son invitation à la jeune fermière. Bénédicte tenait à réparer son injustice envers elle. En outre, quoiqu'il ne se souciât pas de la disputer à ses nombreux rivaux, il était bien aise de les mortifier un peu. Il se pencha donc sur le devant de la carriole, de manière à leur cacher Athénaïs. « Messieurs, ma cousine vous remercie de tout son cœur, leur dit-il. Mais vous trouverez bon que la première contredanse soit pour moi. Elle vient de m'être promise. Vous arrivez un peu tard. » Et, sans écouter une seconde proposition, il fouetta le cheval et entra dans le hameau en soulevant des tourbillons de poussière. Athénaïs ne s'attendait pas à tant de joie. La veille et le matin encore, Bénédicte, qui ne voulait pas danser avec elle, avait faim d'avoir pris une entorse et de boiter. Quand elle le vit marcher à ses côtés d'un air résolu, son sein bondit de joie. Car, outre qu'il eût été humiliant pour l'amour-propre d'une si jolie fille de ne pas ouvrir la danse avec son prétendu, Athénaïs aimait réellement Bénédicte. Elle reconnaissait instinctivement toute sa supériorité sur elle, et comme il entre toujours une bonne part de vanité dans l'amour, elle était flattée d'être destinée à un homme mieux élevé que tous ceux qui la courtisaient. Elle parut donc éblouissante de fraîcheur et de vivacité. Sa parure, que Bénédicte avait si sévèrement condamnée, sembla charmante à des goûts moins épurés. Les femmes en devinrent laides de jalousie, et les hommes proclamèrent Athénaïs Léry la reine du bal. Cependant, vers le soir, cette brillante étoile pâlit devant l'astre plus pur et plus radieux de Mademoiselle de Rimbaud. En entendant ce nom passer de bouche en bouche, Bénédicte, poussée par un sentiment de curiosité, suivit les flots d'admirateurs qui se jetaient sur ses pas. Pour la voir, il fut forcé de monter sur un piédestal de pierre brute surmonté d'une croix, fort en vénération dans le village. Cet acte d'impiété, ou plutôt d'étourderie, attira les regards vers lui, et ceux de Mademoiselle de Rimbaud, suivant la même direction que la foule. Elle se présenta à lui de face et sans obstacle. Elle ne lui plut pas. Il s'était fait un type de femme brune, pâle, ardente, espagnole, mobile, dont il ne voulait pas se départir. Mademoiselle Valentine ne réalisait point son idéal. Elle était blanche, blonde, calme, grande, fraîche, admirablement belle de tout point. Elle n'avait aucun des défauts dont le cerveau malade de Bénédicte s'était épris à la vue de ses œuvres d'art, où le pinceau, en poétisant la laideur, l'a rendue plus attrayante que la beauté même. Et puis, Mademoiselle de Rimbaud avait une dignité douce et réelle qui en imposait trop pour charmer au premier abord. Dans la courbe de son profil, dans la finesse de ses cheveux, dans la grâce de son cou, dans la largeur de ses blanches épaules, il y avait mille souvenirs de la cour de Louis XIV. On sentait qu'il avait fallu toute une race de preux pour produire cette combinaison de traits purs et nobles. Toutes ces grâces, presque royales, qui se révélait lentement, comme celle du cygne jouant au soleil avec une langueur majestueuse. Bénédicte descendit de son poste au pied de la croix et, malgré les murmures des bonnes femmes de l'endroit, 20 autres jeunes gens se succédèrent à cette place enviée qui permettait de voir et d'être vu. Bénédicte se trouva, une heure après, portée vers mesdames de Rimbaud. Son oncle, qui était occupé à leur parler, chapeau bas, l'ayant aperçu, vint le prendre par le bras et le leur présenta. Valentine était assise sur le gazon, entre sa mère, la comtesse de Rimbaud, et sa grand-mère, la marquise de Rimbaud. Bénédicte ne connaissait aucune de ces trois femmes, mais il avait si souvent entendu parler d'elles à la ferme qu'il s'attendait au salut dédaigneux et glacé de l'une, à l'accueil familier et communicatif de l'autre. Il semblait que la vieille marquise voulût réparer, à force de démonstration, le silence méprisant de sa belle-fille. Mais, dans cette affectation de popularité, on retrouvait l'habitude d'une protection toute féodale. « Comment, c'est là Bénédicte ! » s'écria-t-elle. « C'est là ce marmot que j'ai vu tout petit sur le sein de sa mère ? Eh, bonjour, mon garçon ! Je suis charmée de te voir si grand et si bien mis. Tu ressembles à ta mère que c'est effrayant. Ah, ça, sais-tu que nous sommes d'anciennes connaissances ? Tu es le filleul de mon pauvre fils, le général qui est mort à Waterloo. C'est moi qui t'ai fait présent de ton premier fourreau. Mais tu ne t'en souviens guère. Combien y a-t-il de cela ? Tu dois avoir au moins 18 ans. « J'en ai 22, madame, » répondit Bénédicte. « Sans godémie !» s'écria la marquise. « Déjà 22 ans ! Voyez comme le temps passe ! Je te croyais de l'âge de ma petite fille. Tu ne la connais pas, ma petite fille ? Tiens, regarde-la ! Nous savons faire des enfants aussi, nous autres. Valentine, dis donc bonjour à Bénédicte. C'est le neveu du bon Léry. C'est le prétendu de ta petite camarade Athénaïs. Parle-lui, ma fille. » Cette interpellation pouvait se traduire ainsi. « Imite-moi, héritière de mon nom. Sois populaire, afin de sauver ta tête à travers les révolutions à venir, comme j'ai su faire dans les révolutions passées. » Néanmoins, mademoiselle de Rimbaud, soit adresse, soit usage, soit franchise, effaça, par son regard et son sourire, tout ce que la bienveillance impertinente de la marquise avait excité de colère dans l'âme de Bénédicte. Il avait fixé sur elle des yeux hardis et railleurs, car sa fierté blessée avait fait disparaître un instant la timide sauvagerie de son âge. Mais l'expression de ce beau visage était si douce et si sereine, le son de cette voix si pure et si calmant, que le jeune homme baissa les yeux et devint rouge comme une jeune fille. « Ah, monsieur, lui dit-elle, ce que je puis vous dire de plus sincère, c'est que j'aime Athénaïs comme ma sœur. Ayez donc la bonté de me l'amener. Je la cherche depuis longtemps, sans pouvoir la joindre. Je voudrais pourtant bien l'embrasser. » Bénédicte s'inclina profondément et revint bientôt avec sa cousine. Athénaïs se promena à travers la fête, bras dessous, avec la noble fille des comtes de Rimbaud. Quoiqu'elle affectât de trouver la chose toute naturelle, et que Valentine la comprit ainsi, il lui fut impossible de cacher le triomphe de sa joie orgueilleuse en face de ces autres femmes qui l'enviaient, en s'efforçant de la dénigrer. Cependant, la vielle donna le signal de la bourrée. Athénaïs s'était engagée, cette fois, à la danser avec celui des jeunes gens qui l'avaient arrêtée sur le chemin. Elle pria mademoiselle de Rimbaud de lui servir de vis-à-vis. « J'attendrai pour cela qu'on m'invite, » répondit Valentine en souriant. « Eh bien donc, Bénédicte ! » s'écria vivement Athénaïs. « Allez inviter mademoiselle !» Bénédicte, intimidée, consulta des yeux le visage de Valentine. Il lut, dans sa douce et candide expression, le désir d'accepter son offre. Alors il fit un pas vers elle, mais tout à coup la comtesse, sa mère, lui saisit brusquement le bras en lui disant assez haut pour que Bénédicte pût l'entendre. « Ma fille, je vous défends de danser la bourrée avec tout autre qu'avec monsieur de Lansac. » Bénédicte remarqua alors pour la première fois un grand jeune homme de la plus belle figure qui donnait le bras à la comtesse, et il se rappela que ce nom était celui du fiancé de mademoiselle de Rimbaud. Il comprit bientôt le motif de l'effroi de sa mère. À un certain trille que la vielle exécute avant de commencer la bourrée, chaque danseur, selon un usage immémorial, doit embrasser sa danseuse. Le comte de Lansac, trop bien élevé pour se permettre cette liberté en public, transigea avec la coutume du Berry en baisant respectueusement la main de Valentine. Ensuite, le comte essaya quelques pas en avant et en arrière, mais sentant aussitôt qu'il ne pouvait saisir la mesure de cette danse, qu'il n'est donné à aucun étranger de bien exécuter, il s'arrêta et dit à Valentine « À présent, j'ai fait mon devoir. Je vous ai installée ici selon la volonté de votre mère. Mais je ne veux pas gâter votre plaisir par ma maladresse. Vous aviez un danseur tout près il y a un instant. Permettez que je lui cède mes droits. » Et se tournant vers Bénédicte, « Voulez-vous bien me remplacer, monsieur ?» lui dit-il avec un ton d'exquise politesse. « Vous vous acquitterez de mon rôle beaucoup mieux que moi. » Et comme Bénédicte, partagée entre la timidité et l'orgueil, hésitait à prendre cette place dont on lui avait ravi le plus beau droit, « Allons, monsieur, » ajouta monsieur de Lansac avec aménité, « vous serez assez payé du service que je vous demande, et c'est à vous peut-être à m'en remercier. » Bénédicte ne se fit pas prier plus longtemps. La main de Valentine vint sans répugnance trouver la sienne qui tremblait. La comtesse était satisfaite de la manière diplomatique dont son futur gendre avait arrangé l'affaire. Mais tout d'un coup, le joueur de vielle, facétieux et goguenard comme le sont les vrais artistes, interrompt le refrain de la bourrée et fait entendre avec une affectation maligne le tri impératif. Il est enjoint au nouveau danseur d'embrasser sa partenaire. Bénédicte devient pâle et perd contenance. Le père Léry, épouvanté de la colère qu'il lit dans les yeux de la comtesse, s'élance vers le vielleux et le conjure de passer outre. Le musicien villageois n'écoute rien, triomphe au milieu des rires et des bravos, et s'obstine à ne reprendre l'air qu'après la formalité de rigueur. Les autres danseurs s'impatientent. Madame de Rimbaud se prépare à emmener sa fille, mais monsieur de Lansac, homme de cour et homme d'esprit, sentant tout le ridicule de cette scène, s'avance de nouveau vers Bénédicte avec une courtoisie un peu moqueuse. « Eh bien, monsieur, lui dit-il, faudra-t-il encore vous autoriser à prendre un droit dont je n'avais pas osé profiter ? Vous n'épargnez rien à votre triomphe. » Bénédicte imprima ses lèvres tremblantes sur les joues veloutées de la jeune comtesse. Un rapide sentiment d'orgueil et de plaisir l'anima un instant. Mais il remarqua que Valentine, tout en rougissant, riait comme une bonne fille de toute cette aventure. Il se rappela qu'elle avait rougi aussi, mais qu'elle n'avait pas ri lorsque monsieur de Lansac lui avait baisé la main. Il se dit que ce beau comte, si poli, si adroit, si sensé, devait être aimé. Et il n'eut plus aucun plaisir à danser avec elle, quoiqu'elle dansât la bourrée à merveille avec tout l'aplomb et le laisser-aller d'une villageoise. Mais Athénaïs y portait encore plus de charme et de coquetterie. Sa beauté était du genre de celle qui plaise plus généralement. Les hommes d'une éducation vulgaire aiment les grâces qui attirent les yeux qui préviennent, le sourire qui encourage. La jeune fermière trouvait dans son innocence même une assurance espiègle et piquante. En un instant, elle fut entourée et comme enlevée par ses adorateurs campagnards. Bénédicte la suivit encore quelque temps à travers le bal. Puis, mécontent de la voir s'éloigner de sa mère et se mêler à un essaim de jeunes étourdis autour duquel bourdonnaient des volées d'amoureux, il essaya de lui faire comprendre, par ses signes et par ses regards, qu'elle s'abandonnait trop à sa pétulance naturelle. Athénaïs ne s'en aperçut point, ou ne voulut point s'en apercevoir. Bénédicte prit de l'humeur, haussa les épaules et quitta la fête. Il trouva dans l'auberge le valet de ferme de son oncle, qui s'était rendu là sur la petite jument grise que Bénédicte montait ordinairement. Il le chargea de ramener le soir M. Léry et sa famille dans la patache. Et, s'emparant de sa monture, il reprit seul le chemin de Grand-Genève à l'entrée de la nuit.